Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, où est passé le parfum des roses? Une série documentaire de Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Belot, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a la curiosité et l'envie de connaître les étapes du voyage que font les roses. De la terre souvent lointaine où elles ont poussé, jusqu'à ce seau de plastique blanc où elles trempent, enveloppées dans du papier transparent, inodore et solitaire. Mais il y a aussi cet étourdissement qui nous prend lorsqu'on se perd dans l'odeur des roses en été, au point de rêver de la mettre en éprouvette. Et il y a aussi des noms, Cornelia, Porcelaine, Pompadour, Cuisse de Nymphe ou Pierre de Ronsard. Alors pour commencer, les personnages. Une gardienne de roses anciennes, une historienne qui recherche les racines des fleurs, un pépiniériste dévoué aux roses et une sociologue qui ôte les dernières épines à son sujet. Ensuite, le décor. Une roseraie qu'on respire de très loin, des jardins, des serres, des buissons, un train des roses, des vases, des étals, mais aussi de vieilles maisons bourgeoises et des cours princières. Aujourd'hui, premier épisode, les roses ont toujours fait rêver. Chaque personne qui vient, que ce soit des stagiaires, des employés, a les mains dedans, les mains dans les épines, les mains dans le pétale, dans le parfum. Comme disait mon père, les roses, c'est comme les femmes, elles sont toutes belles. Je dirais, les roses, elles ont toutes leurs jours, elles ont toutes leurs heures. Certaines vont préférer l'ombre, d'autres le soleil, la rose bleue, qu'on n'a pas encore obtenue, le rêve de l'obtenteur, le Graal. Il faut s'en occuper tous les jours. Il faut vraiment aimer. Tu prends le bonheur ou tu prends les épines? C'est par les épines, le moins et drôle. On finira par le bonheur. Pour faire rêver, on est là pour faire rêver. C'est quoi votre joli petit prénom? Rosemonde. De la fleur d'églantier à la rose Pompadour. Histoire d'une passion. Comme il y a nulle part ailleurs, parce que je laisse toutes les fleurs des champs. C'est un jardin au milieu de la nature, complètement, quoi, même dans les massifs. C'est un endroit qui est refermé sur lui-même. C'est cet aspect oasis qui est tout à fait étonnant et qui correspond bien, finalement, à l'impression qu'on ressent quand on met le nez dans une rose, un peu cette espèce de détente d'un seul coup. L'impression d'être un peu lavé, un peu... Les parfums sont tellement forts qu'ils montent jusqu'à la route. Et les gens, quand ils sortent de leur voiture, tout de suite, le parfum est tellement puissant que, en fait, je crois que c'est ça qu'ils ressentent en premier. La rose est sans pourquoi. Fleurit parce qu'elle fleurit, sans souci d'elle-même ni désir d'être vue. Nous sommes à 6 km de L'Argentière, qui est la sous-préfecture de l'Ardèche. Éléonore Rose, fondatrice de la roseraie de Berthier. En prenant une petite route sinueuse qui monte, qui s'enfile à travers les bois, et il n'y a plus aucune maison. D'un seul coup, on se demande où on va atterrir, où on va. C'est un jardin qui est, dont la terre est entièrement recouverte de plantes. Le sol n'est que très très rarement à nu. Et donc ces plantes, c'est un mélange de plantes horticoles que j'ai mis en place et un mélange de plantes sauvages qui viennent de la prairie qui nous environne et qui est très riche en flore, une prairie dans laquelle il y a des orchidées, dans laquelle il y a des œillets, des chartreux, toutes sortes de sauges, des reines des prés. On peut avoir l'impression que ce jardin n'est pas entretenu. C'est un jardin de roses et de fleurs des champs qui pousse en pleine nature et que j'ai voulu intégrer complètement dans la nature. Beaucoup de gens vont dans la nature pour regarder la nature. Moi, je fais dans la nature pour regarder les gens regarder la nature. Valérie Chancillon, ce qui m'intéresse, historienne. C'est vraiment au centre de mon travail, c'est le regard qu'on porte sur la nature en général Et les fleurs en particulier ont, comment dire, j'ai un peu une fascination pour elles depuis très longtemps, parce que c'est par définition une créature vivante qui est totalement différente de nous. Vraiment, en termes biologiques, en termes de constitution, vous prenez un saule, vous le débitez en petits bois, vous plantez 100 piquets faits avec votre saule, ça va donner 100 fois le même saule parce que tous les piquets vont pousser. Et ça, ça n'existe pas dans le règne animal, peut-être heureusement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant, parce que c'est une organisation, un système biologique totalement différent de ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut ressentir, nous, comme animal, en fait. Effectivement, j'ai toujours eu cette fascination pour ce côté extrêmement étrange de la fleur. C'est-à-dire que les fleurs que l'on aime, en fait, c'est des fleurs qui sont passées par le génie horticole, qui ont, suivant ce terme extraordinaire de l'horticulture, améliorer les fleurs, et en améliorant les fleurs, on les a en fait à la fois standardisées et artificialisées. La rose d'ailleurs est un symbole de cette artificialisation absolue de ces fleurs. Ce qui me touche plus, c'est la relation de cette plante-là avec l'humain. D'abord, c'est la fleur la plus domestiquée, c'est la seule plante qui soit autant lié à la civilisation. C'est incroyable, je veux dire, c'est surprenant. Depuis les Grecs, les Romains, donc les Grecs s'en servaient pour honorer les vainqueurs, ils jonchaient le sol de rose, ils cultivaient des champs entiers hein, pour les cérémonies. En fait, la rose a une relation avec la vie spirituelle. La rose de marbre immense et blanche était seule sur la place déserte où les ombres se prolongeaient à l'infini. Et la rose de marbre, seule sous le soleil et les étoiles, était la reine de la solitude. Et sans parfum, la rose de marbre, sur sa tige rigide au sommet du piédestal de granit, ruisselait de tous les flots du ciel. La lune s'arrêtait pensive en son cœur glacial, et les déesses des jardins, les déesses de marbre, à ses pétales venaient éprouver leur sein froid. La poétesse Sappho, dans l'Antiquité grecque, au 7e siècle avant Jésus-Christ, sur l'île de Lesbos, avait écrit un poème où Zeus avait consacré la rose comme reine des fleurs. Blandine Vett, ce goût pour la rose, sociologue. La Grèce l'a transmis à Rome. Et dans l'Antiquité romaine, la rose a été très cultivée pour des usages ornementaux, enfin médicinaux aussi, mais ornementaux, pour orner les jardins, pour des bouquets de fleurs dont on trouve des représentations dans des mosaïques Pompéi. Et puis une culture de la rose qui a été très importante pour les pétales. Dans les grandes fêtes de la Rome, notamment décadente, on jetait à foison des pétales de rose. Néron, l'empereur fou, il veut séduire, donc il va organiser des banquets sur Jacques Ronchon, rosieriste. Tout est peint en rose, il y a des roses partout, il y a des fontaines qui crachent de l'eau de rose, on met de l'eau de rose dans le vin, on fait des gâteaux roses, le cuisinier, le Bocuse de l'époque, lui calcule des recettes, le plat préféré c'est le rossignol rôti sur pétales de rose confit. Hein, en fait, il y a de la rose partout. Et puis, luxe suprême, on va tendre un voile au-dessus de la salle du banquet. À la fin du banquet, on coupe les attaches et les invités se retrouvent couverts de pétales de rose. 150 ans après, on a un autre empereur plus fou que le précédent. Alors là, il faut que je prépare mon panneau. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Qui s'appelle Héliogabale. Et lui, il veut faire mieux que Néron. Et au lieu d'avoir un voile, il va en mettre trois. Et à la fin du banquet, on va lâcher le voile. Et les invités qui sont déjà bien pris par l'alcool, eh bien, certains vont succomber, vont étouffer carrément. C'est des tonnes de pétales de rose qui vont leur tomber dessus, comme on le voit sur ce tableau. Alors en plus, l'histoire nous dit qu'il n'y avait pas d'ouverture, parce qu'il avait du plaisir, on le voit là, à voir périr ses invités. Donc pour que l'odeur soit plus suffocante, il a fait boucher toutes les ouvertures du palais. Voilà, donc on voit les invités qui succombent sous les roses. En réaction par rapport à ces grandes fêtes de la Rome décadente, les premiers pères de l'ère chrétienne vont beaucoup moins utiliser la rose. Alors certes, ils la considèrent comme une création de Dieu, comme un don de Dieu, donc on a le droit de contempler des roses, mais Clément d'Alexandrie a interdit à l'époque le port de couronne de roses, parce que c'était un rite trop païen. Donc il fallait se démarquer de ces grandes fêtes de la Rome décadente. Et la rose a connu un certain déclin, mais au Moyen-Âge, elle n'était plus tant cultivée pour ses usages ornementaux que pour d'autres usages qui étaient apothicaires, médicinaux, pour la confiserie ou pour le parfum, par exemple la rose de Provins. Il y avait bien sûr le rosier du diable. On l'appelait aussi la rose tonnerre, parce que les mamans disaient à leurs enfants, si tu t'approches de l'églantier, le tonnerre va te tuer. On l'appelait la rose foireuse, parce qu'elle fleurissait au moment de la foire, printemps. La rose coucou, pour la même raison, parce qu'elle fleurit au moment où le coucou est là. Donc c'est un rosier qui était maléfique. La rose du diable. La légende prétendait que c'était le diable qui avait voulu imiter Dieu. Dieu avait créé le rosier. Le diable avait essayé, mais comme c'était le diable, il a loupé. Donc, la rose du diable. Donc, vous voyez, beaucoup de légendes très négatives à propos de cet églantier. Alors, cet églantier, eh bien, il va nous produire des fruits, je vous en ferai voir là cet après-midi, qu'on appelle des cynorhodons. Cyno, ça veut dire chien. Et rhodon, c'est la rose. Rhode, c'est la rose, tout simplement, ça vient de l'île de Rhodes, qui était couverte de roses, et donc Rhodes, rhodon, qu'on trouve aussi dans rhododendron. Qu'on trouve dans l'arbuste Rhodotypos, qui est le type du rosier. Alors, ces cynorhodons, ça veut dire cyno, c'est le chien, et rhodon, la rose. Ça fait partie des Rosa canina, c'est le nom latin, la rose des chiens. Alors, pourquoi la rose des chiens? Parce qu'on s'est servi longtemps de ce rosier pour soigner la rage. Les morsures de chiens, la rage, et par là même, les piqûres de scorpions ou les piqûres d'insectes. On râpait les racines, on en faisait des emplâtres qu'on appliquait, ou les feuilles, ou les fleurs, ou les fruits. Et là, alors, cher monsieur, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez un quart d'heure pour vous préparer à mourir. Monseigneur! Encore! La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. Vous miroir entre mille choses, que nuit rosier chargé de roses qui étoit en un détour d'une haie close tout entour. D'entre les boutons, en est lui un, si très belle. Envers celui, n'eusse des autres rien. L'amour courtois dans le roman de la rose, ce sont des romans qui sont des initiations à l'amour. Et ces romans-là, on y en a eu un certain nombre, et le roman de la rose est le plus connu. Cette initiation à l'amour courtois. Alors, il y a deux versions du roman de la rose. C'est tout un langage allégorique. C'est dit à demi-mot, c'est par des symboles qu'un jeune homme va découvrir l'amour d'une jeune femme dans un verger, dans un jardin paradisiaque du Moyen-Âge. Et ça va se traduire par une défloraison du bouton de rose. On voit donc que la rose est associée à des symboles d'amour courtois, puis après qui vont devenir d'amour triviaux. Et puis après, au fil du temps, on va voir des représentations à la Renaissance. Il y a le fameux tableau de Botticelli de la naissance de Vénus, qui est entouré de fleurs, qu'on voit quand vous vous souvenez de ce tableau, où on voit des fleurs qui volent dans le ciel. Après, on va voir la rose qui va être associée au XVIIIe siècle avec le libertinage. Les tableaux, les représentations de la rose dans les tableaux de Fouché sont beaucoup plus fripons. Vous avez des nus avec des roses qui sont beaucoup plus fripons. Et là, c'est tout le libertinage du XVIIIe siècle. Et la rose, à ce moment-là, on va l'avoir aussi associée à des portraits officiels, par exemple, de la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour. Et après, on va la voir apparaître avec le portrait officiel de la reine Marie-Antoinette. Les roses sont posées, sont accrochées à la robe. C'est une grande robe bleue. Et Marie-Antoinette tient une rose. La littérature galante enregistre avec rapidité la disqualification du musc. Il y a beaucoup d'hygiène et d'ablution dans l'érotisme de Rétif. L'eau de rose dispose ici d'un étonnant monopole. Elle rafraîchit sans cesse les pieds, le cul et le conin de conquête ingénue. Le bidet est devenu l'auxiliaire du plaisir. Le récit casanovien reflète la même monotonie olfactive. Le lavage du corps de la femme à l'eau de rose y fait figure de rite. Disons, je suis pénétrée. Par exemple, un rosier grimpant. J'ai envie de le faire monter dans un arbre. J'ai envie qu'il prenne une place prépondérante. Et donc, je vais le choisir. Je vais choisir exactement le lieu de plantation. Et je lis. Après, c'est l'imagination qui travaille. C'est-à-dire, j'imagine que je me transporte 10 années plus tard. Je vois l'espace qu'il va occuper. En fait, c'est pendant l'hiver que je crée. Pendant l'hiver, alors qu'il n'y a pas de couleur. Donc, c'est complètement mental. Et donc, j'imagine la couleur de ce rosier. Et j'imagine aussi ce qui pourrait aller bien avec. C'est comme une palette de peintre virtuelle. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces ¿qué? Ces rosiers sont parmi les plus vieux qui ont été plantés au jardin, donc ils ont une trentaine d'années. On les appelle les rosiers de Banks. Ce sont des rosiers qui sont d'origine chinoise et qui ont été apportés en fait par les Anglais qui étaient partis en Chine avec la Compagnie des Indes pour ramener des différentes sortes de thé. Et en fait, ils ont été sensibles à ces rosiers qui fleurissent d'une façon magnifique chez nous ici très tôt, au mois d'avril. Ils fleurissent qu'une seule fois. Et ils n'ont pas du tout d'épines. Oui, absolument. Le bois est complètement lisse. Et l'écorce, par contre, est tout à fait étonnante. Elle ressemble un peu à l'écorce de l'eucalyptus quand elle est vieille. Et elle se desquame. La rose ne cherchait pas l'aurore. Presque éternelle sur sa branche, elle cherchait autre chose. La rose ne cherchait ni science ni ombre. Confins de chair et de songe, elle cherchait autre chose. La rose ne cherchait pas la rose. Immobile dans le ciel, elle cherchait autre chose. Je viens régulièrement m'asseoir à différents endroits du jardin et je me laisse pénétrer par le paysage et je reviens plusieurs fois et il se passe rien et d'un seul coup je vais venir et hop, ça y est, ça sort quoi. Et là ça s'organise et après j'ai plus qu'à réaliser ce paysage virtuel que j'ai en tête. Pourquoi la rose va réapparaître dans les jardins? Pourquoi elle n'était pas auparavant? Alors là, il faut tirer le fil de l'esthétique des jardins qui a évolué. Au Moyen-Âge, c'était des carrés de plantes, je l'ai dit, médicinales qu'on trouvait dans les couvents, qui étaient entretenues souvent par des moines. Après, on va voir arriver l'influence des jardins de la Renaissance italienne. Or, ces jardins-là sont très peu fleuris. Ce sont des jardins plus géométriques, avec des perspectives et des broderies. Ces parterres, souvent de buis, qui font des formes de volutes, mais qui sont taillées pour dessiner des formes. Et là, le rosier, surtout ces rosiers de l'époque qui étaient très souples, étaient trop grands, incontrôlables. Et puis, on ne taille pas un rosier comme on taille des taupières de façon très géométrique. Donc, ils n'avaient pas tellement leur place. Or, ces jardins italiens vont influencer toute la période classique des jardins de Louis XIV, les jardins à la française, où vous avez ces grandes perspectives et à nouveau ces broderies. Donc les rosiers trouvaient difficilement leur place dans cette esthétique. Et puis c'est avec l'évolution de la conception des jardins, avec toute la philosophie des Lumières, où la France avait finalement joué un rôle, avec Jean-Jacques Rousseau, avec l'intérêt pour la nature, que en Angleterre surtout, va se développer une nouvelle esthétique des jardins. Des jardins beaucoup plus proches de la nature. Et l'aristocratie française, avant la Révolution française, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, qui avait des contacts avec l'aristocratie anglaise, va découvrir ces jardins-là. Et dans ces jardins, la rose retrouve toute sa place. Et en particulier, ces roses sauvages, très souples, mais aux floraisons très éphémères, vont retrouver une place dans ces jardins naturels. Il y a des pépinéries, c'est un terme qui date de la Quintinine, qui apparaît pour la première fois dans un ouvrage de jardinage de la Quintinine au XVIIe siècle, c'est-à-dire sous Louis XIV. Pépinéries, c'est des gens qui sèment des pépins et qui vont se faire des productions d'arbustes, d'arbres. Et au XVIIIe, ces pépinéristes vont avoir de fortes demandes d'arbres rares. Donc ces pépinéristes vont se mettre à cultiver des plantes rares et des roses. Monsieur David travaille à la roseraie depuis 39 ans et a fait venir 12 roses à la vie. Il tient absolument à nous expliquer comment naît une rose. Il faut porter le pollen d'une rose sur la voisine pour arriver à avoir une nouvelle variété. Et alors après, quand c'est que le pédoncule est mûr, on les sème et il faut au moins 2 ans pour avoir une floraison. Et alors si quelqu'un sort qu'il est raisonnable, qu'il est bon, on le multiplie, on le greffe. Et voilà la naissance d'une rose. Ah bon, alors avant que la rose ne naisse, elle passe par différentes étapes. Mais oui, mais combien oui. Il faut compter la fécondation, en passant pour la semer, ça fait 2. Et puis pour avoir il faut la transplanter, ça fait 3. Et alors c'est après qu'elle fleurit la 4e année. Et comment avez-vous l'idée d'une nouvelle rose? Bien voilà comment ça se passe, on dit tiens voilà, une rose qui a l'air, qui n'est pas bien vigoureuse. Mais le voisin il est vigoureux. Alors on porte le pollen de la selle pas vigoureuse sur l'autre. Et ça fait une nouvelle variété. Une nouvelle variété. Est-ce que vous pouvez penser des nouvelles variétés? Vous savez à l'avance ce que donneront deux roses l'une avec l'autre? On n'en sait pas, madame. Vous ne savez jamais? Non. Alors c'est toujours des surprises? Et j'ai surprise. C'est ce qui fait que beaucoup le rosiériste, il abandonne. Il y a les roses sauvages, qu'on appelle des espèces botaniques avec les conventions de la botanique. Et il y a les roses où les hommes interviennent, qu'on appelle des roses horticoles. C'est-à-dire qu'on appelait des variétés, ou plus tard après, des cultivars. Des variétés horticoles où les hommes vont commencer à intervenir dans des processus qu'ils ont observés dans la nature. Comme chaque graine est unique, comment on peut la multiplier? La rose, elle a aussi la particularité de pouvoir être clonée. On dit des plantes allogames clones, de pouvoir être clonée à l'identique. Et ça se passe dans la nature. Quand une branche arrache et qu'elle se fiche dans la terre, si la terre est humide à côté d'un ruisseau par exemple, ça fait des racines, eh bien, vous avez ce qu'on appelle du bouturage. Eh bien, ce petit rosier était la réplique exactement la même que le rosier d'où vient la branche. Ou si le rosier est très souple, qu'une branche va s'enraciner, et puis après elle va se couper, comme ça naturellement, parce qu'il y a un coup de vent ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous avez des petites racines et vous avez une réplique, c'est le marcottage. Beaucoup de rosiers botaniques sont drageones, c'est-à-dire vous avez sur la racine, paf, un nouveau pied qui se crée, qui apparaît un peu plus loin. Et très souvent, les rosiers, les espèces botaniques, sont très souvent drageones, parce que c'est très facile pour se multiplier et survivre. Et donc au 18e, ils ont observé tous ces processus, puis alors quand ils ont vu des mutations génétiques spontanées, ils ont cloné par bouturage, et puis après ils ont trouvé des techniques plus sophistiquées pour le faire au 19e. Ils vont intervenir et pour créer de nouvelles variétés. Alors au départ en les rapprochant, et après quand ils vont mieux comprendre ce qui se passe, et ça date à peu près, on sait que l'hybridation artificielle va se faire à partir de 1850, ils vont de plus en plus imiter la nature, et ils vont se substituer à la nature en castrant les étamines, et en mettant du pollen d'une autre rose qu'ils vont choisir. Donc ils vont devenir Ils vont intervenir dans les processus naturels pour créer des roses comme ils les désirent. Et qu'est-ce que ça va être ces roses comme ils les désirent? C'est des roses qui vont avoir plus de pétales, c'est des roses qui vont être plus parfumées. Et puis, avec les introductions, les découvertes, ce qu'on va découvrir dans les roses botaniques qui sont, parce qu'on va en découvrir au fil du siècle, et en particulier à travers les voyages, parce que ces histoires de roses, ça suit la circulation internationale des hommes, eh bien, on va avoir arrivé des roses de Chine qui vont apporter la capacité à refleurir. Il y a un lien extrêmement fort qui va se faire à ce moment-là, et on n'en est pas sorti en fait, entre ce jardin, encore une fois, signe de richesse, mais également signe des voyages, voyages qui alimentent la richesse. et les tulipes, les pélargoniums, ce qu'on appelle en général géranium par erreur, les glaïeuls, sont des plantes qui viennent de loin, voire de très loin, d'Afrique du Sud par exemple. Donc c'est vraiment toute la culture qu'on va mettre en place, tout cet art du jardin ornemental est lié effectivement aux échanges internationaux. Et ça va très très loin, c'est-à-dire par exemple ceux qui vivent en Europe ont des jardins avec des plantes exotiques, et les Européens qui doivent quitter l'Europe pour aller s'installer ailleurs, voire très très loin, vont recréer dans cet ailleurs des jardins européens. Donc il y a une sorte de double refus de la nature qui pousse à côté de chez soi. Les Européens ne s'y intéressent pas, mais quand les Européens vont ailleurs, ils vont recréer des jardins européens. Il y a plusieurs variétés en mélange, Rosa Helenae et puis Paul Himalayan Musk, donc ils se rejoignent et s'entremêlent. Il y a aussi là dans le chêne vert un autre rosier sauvage qui vient du Bhoutan et qui porte le nom de la personne qui l'a ramené, Betty Sheriff. Elle s'appelait Betty Sheriff, c'est une anglaise. Donc comme on n'a pas su l'identifier, donc on lui a donné le nom de la personne qui l'a ramené. Et donc ce rosier, Betty Sheriff, colonise un chêne vert et même est en train de s'installer dans un autre chêne vert derrière. La rose de fer avait été battue durant des siècles par des forgerons d'éclairs. Chacune de ses feuilles était grande comme un ciel inconnu. Au moindre choc, elle rendait le bruit du tonnerre. Mais qu'elle était douce aux amoureuses désespérées, la rose de fer. Ces pépiniéristes, ils ont multiplié les rosiers pour les vendre, en devenant créateurs de roses. Et les catalogues vont énormément augmenter. C'est-à-dire qu'il y a... je dirais une trentaine, il me semble que c'est une trentaine, une soixantaine de roses avant la Révolution française, mais au lendemain de la Révolution, il vient d'avoir 200. Puis après, ça va monter jusqu'à 1000 roses dans les catalogues à la fin du 19e. Pour répondre à une demande, un engouement pour les roses, qui commence au début, à la veille de la Révolution française, et qui ne va pas cesser d'augmenter jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, qui va traverser tout le 19e. Pour répondre essentiellement au départ à une demande d'ornementation des espaces verts, enfin on ne parle pas d'espaces verts à l'époque, c'est complètement anachronique, des jardins. Comme cette demande explose, eh bien, il a fallu créer donc un obtenteur à Saint-Denis, qui n'était pas à Saint-Denis au départ, c'était un descendant de jardinier qui était en charge des jardins des apothicaires, mais qui avait une grande connaissance de la botanique. Et c'était les Desemés. Et les Desemés vont s'installer à Saint-Denis, à l'emplacement du Carmel, pendant la Révolution française. Parce qu'il y avait des terrains qui avaient été saisis, les biens nationaux, qui étaient loués. Donc il a pu louer jusqu'en 1814. Après, il est parti à Odessa. Cette trajectoire des Desemés est très intéressante parce que ça vous donne un peu une idée de la mobilité de ces rosiéristes qui sont ouverts à l'international. Et vous voyez, en 1814... ils sont au départ au cœur des villes, au plus près de leur clientèle aristocratique. Et ils s'éloignent progressivement vers les banlieues en fonction des pressions urbaines. Et puis, il y en a qui bougent. Il y a des rosiéristes qui changent complètement de région, et comme Desemés qui part complètement à l'international. La rose de verre résonnait à tous les bruits du littoral. Il n'était pas un sanglot de vagues brisées qui ne la fit vibrer. Autour de sa tige fragile et de son cœur transparent, des arcs-en-ciel tournaient avec les astres. La pluie glissait en boules délicates sur ses feuilles, que parfois le vent faisait gémir à l'effroi des ruisseaux et des vers luisants. Il y a quelqu'un qui a été une passeuse, qui a fait traverser la Révolution française à la rose, c'est Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais, qui était une noble, Joséphine de Beauharnais était passionnée de botanique. Elle est tout à fait un produit du XVIIIe siècle et elle aimait les roses, mais pas que les roses. Elle a aimé les roses, elle a eu une collection de roses à la Malmaison. Qui a disparu, qu'on essaie de reconstituer. Mais on a des traces, avec toutes les peintures de Redouté, qu'elle a commandées à Redouté. On a, grâce à ça, toute une description extrêmement précise des roses de Joséphine de Beauharnais. C'était une consommation extrêmement élitiste. C'est l'aristocratie, c'est les familles royales qui s'offrent des roses. C'est une fleur extrêmement distinctive. Cette demande, Elle va traverser la Révolution française et elle va se démocratiser progressivement au fil du XIXe siècle. C'est une démocratisation qui va se faire de proximité en proximité, c'est-à-dire qu'on part de l'aristocratie, mais ça va toucher la grande bourgeoisie, puis après la bourgeoisie avec les fluctuations du niveau de vie, mais aussi qui va être par la petite bourgeoisie. Et on va avoir différentes sortes de roses qui vont se distinguer, et c'est dans la fleur coupée qu'on voit bien la distinction. Parce que vous avez les petits bouquets à tiges courtes qui se vendaient et sur des petites charrettes, des petits étals dans la rue, et avec l'hybride de thé qui apparaît, je vous dis, à partir de 1867, il va y avoir des roses qui ont des grandes tiges avec ce grand bouton élégant. Et la longueur de la tige, les grands bouquets, va devenir un critère distinctif. Et sur la Côte d'Azur, parce que les roses hybrides d'été ont été beaucoup produites sur la Côte d'Azur à ce moment-là, elles ont été effectivement produites pour être vendues, mais dans les grands hôtels de la Côte d'Azur, où toute l'aristocratie européenne venait passer des séjours sur la Côte d'Azur en hiver. Donc, vous avez une demande d'une clientèle extrêmement aisée pour ces grands bouquets. Donc, on va voir apparaître une distinction entre les bouquets de l'aristocratie de la Côte d'Azur et puis les petits bouquets qui se vendent dans les rues de Paris. Avec une production qui va se développer avec le train des roses entre la région de Seine-et-Marne, autour de Grisy-sur-Suine, Mandres-les-Roses, un train qui va alimenter les Halles. Et d'ailleurs, dans Zola, on doit en trouver des descriptions. Dans le ventre de Paris. Rosa ne cessait de boire que pour chanter, et de chanter que pour boire. J'aurais voulu habiter près de Mandres, où nous étions allés nous promener un jour et où on cultive les roses. Depuis, quand par hasard, ayant dîné à Paris avec Marthe, nous reprenions le dernier train, j'avais respiré ces roses. Dans la cour de la gare, les manœuvres déchargent d'immenses caisses qui embaument. J'avais toute mon enfance entendu parler de ce mystérieux train des roses qui passe à une heure où les enfants dorment. Les fleurs vont être toujours, partout, associées à un mécanisme d'ostentation sociale, en fait. On montre le rang que l'on a en dépensant des fleurs. Et les fleurs sont intéressantes parce que, contrairement à l'or ou les bijoux, ça ne se garde pas. C'est-à-dire, c'est une dépense qui ne peut même pas s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que si je dépense telle somme d'argent en pétales de rose, par exemple, je sais que c'est un moment pour une cérémonie, par exemple, et dès le lendemain, tout ça aura disparu. Tout l'argent dépensé aura disparu. Et les fleurs, c'est pour ça qu'on les retrouve partout, dans toutes les cultures où il y a ces sociétés hiérarchiques. Les fleurs apparaissent, elles sont omniprésentes, parce que c'est un moyen extrêmement efficace de montrer son rang et sa capacité financière. Cet engouement pour les roses va se démocratiser et s'accompagner de toute la création d'un monde social autour des roses, parce que ça va être aussi un monde de savants, de personnes qui se passionnent pour les roses, des associations. La Société Nationale d'Horticulture se crée, je crois, en 1830, et la première section, c'est une section de roses. C'est pas anodin. Et vous avez donc des sociétés savantes, d'horticulteurs, des concours qui vont se créer surtout à la fin du 19e, des concours de roses pour évaluer les roses. Parce que vous avez un monde foisonnant qui est très français, mais pas que français, parce qu'il y a aussi en Angleterre, un peu en Allemagne, mais c'est parti beaucoup de la France pour la première moitié du 19e. La rose de charbon était un phénix nègre que la poudre transformait en rose de feu. Mais, sans cesse issue des corridors ténébreux de la mine, où les mineurs la recueillaient avec respect pour la transporter au jour dans sa gangue d'anthracite, la rose de charbon veillait aux portes du désert. La rose de papier buvard saignait parfois au crépuscule quand le soir à son pied venait s'agenouiller. La rose de buvard, gardienne de tous les secrets et mauvaise conseillère, saignait un sang plus épais que l'écume de mer et qui n'était pas le sien. Lyon a été la capitale de la création variétale internationale au tournant du 19e et du 20e siècle, avec de très grands obtenteurs, dont Pernet-Duché. Pernet-Duché qui est allé aux États-Unis, quand même, hein, faut pas à cette époque-là. Une des particularités des rosiéristes, c'est pas que français, mais on le voit, on l'a étudié, en particulier pour les rosiéristes lyonnais, c'est que ce sont des familles transgénérationnelles. C'est des transmissions par les fils, mais aussi par les filles, avec des veuves célèbres, veuve Duché, veuve Schwartz. Et les transmissions sont des transmissions à des fils biologiques, mais peut-être à un gendre. Enfin, un gendre, en fait, c'est un ancien apprenti talentueux qui épouse la fille du patron. Vous avez des transmissions de ce type qui permettent de renouveler le milieu. Et la Première Guerre mondiale a été terrible pour les obtenteurs français. Pernet-Duché a perdu ses deux fils. Donc il a été obligé de vendre à un autre concurrent qui s'appelle Gaujard à Lyon. Il avait deux successeurs et ses deux fils sont morts à la guerre. On a des témoignages aussi, par exemple, de la famille Meillant qui raconte qu'il fallait faire l'effort de guerre, il fallait participer à l'effort de guerre et nourrir la nation. Donc ils ont arraché les rosiers de production, ils ont été jusqu'à arracher les collections de géniteurs. Là, on a une variété horticole très connue, il s'appelle Albertine. C'est un rosier très parfumé, voilà, du début du XXe siècle. Les boutons sont d'un rose bien soutenu et puis elles s'ouvrent rose avec une petite tonalité d'abricot. Et c'est une des roses les plus parfumées du jardin et curieusement, elle sent plus de loin que de près. C'est-à-dire qu'elle a un parfum dominant. C'est étonnant de voir comment les effluves de cette rose albertine se transportent très loin, sur plusieurs dizaines de mètres. Il y a eu un arrêt de la création variétale, parce qu'il fallait se redresser, redresser les entreprises. Malerin, un ingénieur qui travaillait au chemin de fer, passionné d'hybridation, qui hybridait dans son petit jardin, et ça c'est un événement biographique pour des familles d'obtenteurs, parce que Malerin, un jour, il a invité toutes les familles de rosiéristes professionnels qui avaient des héritiers. Il leur a dit « Vous venez avec vos fils ». Il leur a montré ce qu'étaient ces carrés d'hybridation, comment ils faisaient pour créer des roses, qui remportaient plein de concours dans les concours internationaux. Et Francis Meillant raconte que pour lui, ça a été une révélation. Il a découvert l'obtention parce que dans sa famille, ils avaient fait de la création variétale. Ils n'avaient plus les moyens de le faire, ils étaient en train de remonter l'entreprise. Et à ce moment-là, il s'est pris de passion pour la création variétale et c'est devenu un très grand obtenteur. Et Malerin a présenté Francis Meillant à Conard-Pyle, une association entre la famille Meillant et l'entreprise Conard-Pyle qui perdure depuis cette époque. Monsieur Alain Meillant, juste avant la guerre, justement, votre père a créé une rose qui l'a appelée Madame Antoine Meillant du nom de sa mère, je crois. C'est cela, oui. Les Allemands arrivaient. Oui. Il a eu le temps, je crois, de donner quelques boutures en Italie. En Italie. En Allemagne, même, je crois. En Allemagne et puis, au consul des États-Unis à Lyon. Et puis finalement, après la guerre, les choses étant redevenues normales, les relations normales, il a appris que la rose en Italie s'appelait Gloria Dei, qu'en Allemagne, elle s'appelait Gioia, et qu'en Amérique, on l'avait baptisée tout simplement la rose de la paix, parce que elle était, disons, qu'elle a été en fait remarquée dans un concours le jour de la chute de Berlin. Et c'est un symbole qui maintenant est attaché à la vie et des roses. C'est notre sainte rose, si je puis dire, car c'est la première qui est devenue populaire. On en trouve dans tous les jardins du monde, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Dans le monde entier, il y a des roses de la paix. Entre le milieu de l'entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale, on va voir un ensemble de voyages de rosiéristes français qui vont aux États-Unis. Alors Francis Meillant, il va aller aux États-Unis. Plus tard, Georges Delbar, Gaujard. Donc vous voyez, les États-Unis deviennent le modèle productif et le modèle de commercialisation et le modèle des brevets. Alors c'est la production intensive de très grands champs, de quelques variétés, et c'est leur commercialisation massive avec du marketing. Le terme n'est pas d'époque, mais avec une publicité offensive avec des catalogues en couleurs. Des immenses exploitations, de très très grandes productions de roses, très fordistes, c'est-à-dire une production intensive, beaucoup d'intrants, de produits chimiques que l'on pulvérise par avion, C'est un modèle extrêmement influencé par le taylorisme, le fordisme et le taylorisme. Well, the fact is, miss, we planted the white roses by mistake. And the queen, she likes some bread. If she saw white instead, she'd raise a fuss, and each of us would quickly lose his head. Goodness! Who's been painting my roses red? Who's been painting my roses red? Les plantes. Pour les créer, c'est extrêmement long. Effectivement, pour créer une rose, ça met 6 à 10 ans. Vous voyez. Or, si c'est des arbres, c'est encore plus long. Par contre, ces plantes, quand vous les créez, qui c'est qui capte toute la valeur de la rose? C'est celui qui la diffuse massivement, pas celui qui la crée. Parce que ce n'est pas considéré comme une propriété industrielle. Donc à ce moment-là, en séparant ces deux phases, où on crée un produit qui est nouveau sur le marché, qui a le droit à une propriété intellectuelle, qu'on peut la multiplier comme un procédé industriel, ils ont obtenu, aux États-Unis, avant la France, ils ont obtenu la reconnaissance de la création variétale comme une activité industrielle, quasi-industrielle, et elle a pu être brevetée. Et les premières plantes brevetées qui ont été couvertes par le Plant Patent Act en 1930, c'est des plantes allogame clones. Et le premier brevet, c'est une rose, New Dawn. Sonia et Visa sont l'objet de toutes les convoitises parce qu'elles sont uniques. Pour arriver à ce stade de perfection, il faut 10 ans de travail et de soins attentifs en partant d'un semis de 170 000 graines. Après une sélection rigoureuse, deux ou trois variétés seulement seront retenues pour affronter le marché international. Leur papa, le sélectionneur Alain Meillant, consacre tous les ans 10 millions de francs pour mener à bien leur création. Mais pour être protégées, les roses, elles aussi, font l'objet d'un dépôt de brevet. On peut la protéger au même titre qu'un produit industriel par un titre de protection et un dépôt d'échantillon. Alors, quelles sont les raisons de la contrefaçon? La contrefaçon provient la plupart du temps de pays en voie de développement à main-d'œuvre très bon marché, à climatologie très favorable à la culture et à l'absence la plupart du temps de législation spécifique couvrant les roses quant à leur création. Et le préjudice, vous l'estimez à combien? Alors le préjudice pour l'ensemble de la création florale française, nous l'estimons entre 50 et 60 millions de francs lourds par an de droits de licence non payés à notre pays. Après les montres et la maroquinerie, les roses, messagères de toutes les espérances, sont aussi un enjeu commercial qui intéresse évidemment les fraudeurs. Pour détecter et combattre les importations illicites, Meillant dépense 2 millions de francs tous les ans. Aujourd'hui, Meillant gère 1000 brevets. L'entreprise fait un chiffre d'affaires de 100 millions de francs. Et quand on sait que la rose Sonia est vendue à plus de 2 milliards d'exemplaires dans le monde, on comprend que des prétendants dénués de scrupules lui fassent une cour assidue. Et Francis Meillant, il a voyagé énormément. Il a été du Mexique jusqu'au Canada pour repérer les zones de production. Très vite, quand il est arrivé en France, il a mis en place des commerciaux au niveau international et il s'est dit, il faut travailler avec des partenaires. Il y a des contrats de licence qui garantissent la perception des droits et la qualité. Il a fait partie des pionniers. Et tous les grands obtenteurs fonctionnent de cette façon, et en particulier dans la rose coupée. Et en plus, Francis Meillant a imaginé les délocalisations dans les zones de production d'altitude. Le marché européen a prospecté les zones équatoriales hautes du Kenya et l'Éthiopie. Et puis sur le marché américain, ça a été Colombie et après Équateur. Longtemps, au pied du perron de la maison où entra la dame que j'avais suivie pendant deux bonnes heures à Amsterdam, mes doigts jetèrent des baisers. Mais le canal était désert, le quai aussi. Et nul ne vit comment mes baisers retrouvèrent celle à qui j'ai donné ma vie, un jour, pendant plus de deux heures. Je la surnommais Rosemonde, voulant pouvoir me rappeler sa bouche fleurie en Hollande. Puis lentement je m'en allais, pour quêter la rose du monde. Et il s'est échappé du support pour monter dans les arbres qui se trouvaient derrière. Et il est de plus en plus grand chaque année, et il monte un peu plus. La massification de la production, ça va être avec la délocalisation dans les zones équatoriales d'altitude, ça va être avec les chaînes. Monceau-Fleur est par exemple une des plus grosses chaînes, si ce n'est la plus grosse chaîne de commercialisation, de vente de roses, de fleuristes. Et puis les supermarchés. Le Kenya, au départ, s'est positionné sur une production de fleurs coupées pour supermarchés de petites bottes. La rose ancienne n'a jamais été une rose à couper. On part du principe qu'un bouquet doit être composé de fleurs dont les tiges sont grandes. Or, les roses anciennes n'ont pas de grandes tiges, la plupart. Et puis aussi, elles sont éphémères. Et pour un horticulteur qui soit spécialisé dans la production des fleurs coupées, c'est un casse-tête. On peut pas, c'est pas rentable. Je reconnais tout de suite si une rose elle est ancienne ou si elle est moderne. Par la forme du buisson, la tige, les épines, c'est un individu à part entière. Alors que dans les roses modernes, souvent, les feuillages se ressemblent énormément. Et c'est juste la fleur qui est complètement différente. Les roses modernes sont issues de tellement d'hybridations que finalement, les pieds mères, les pieds qui ont donné naissance à, génétiquement, ils sont tellement loin derrière qu'on ne les voit plus. Et c'est ce qui fait aussi que c'est si difficile, avec les roses modernes, d'avoir des jardins qui soient aussi volubiles, qui soient aussi expressifs. Cette standardisation de la fleur, bon, elle n'est pas aussi univoque que je l'ai dite, mais quand même, elle est réelle. Elle a suscité une forte réaction. Et une réaction distinctive aussi. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Ces grands aristocrates, ces propriétaires de châteaux qui avaient été en Angleterre s'inspirer de l'esthétique des jardins anglais. Et bien on retrouve la même chose dans les années 1980. Des aristocrates français qui vont aller visiter justement les jardins anglais qui ont conservé toutes ces vieilles variétés qu'on ne trouvait plus en France. Et ils se sont dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on n'a plus les roses pour les faire. Il y a eu un engouement pour les plantes, dont les roses. Et là où il y a un effet très distinctif, c'est que les propriétaires de très grands jardins, quand ils ont plusieurs hectares, disent, nous, c'est pas important qu'une rose soit nécessairement remontante. La remontante, c'est une exigence de gens qui ont des petits ou des moyens jardins. Parce qu'il suffit que je porte mon regard à tel endroit. Vous voyez ce rose qui est une splendeur. Par exemple, il y a un rosier qui est absolument extraordinaire, un rosier qui s'appelle Seven Sisters. Il a tous les camaïeux de mauve sur ce rosier qui est une splendeur. Ce rosier ne fleurit qu'une seule fois. Il suffit d'aller voir ce rosier, puis après, moi, je porte mon regard parce que j'ai vers tel autre rosier plus tard. C'est le luxe du grand jardin. Ça va être une critique des couleurs, de l'uniformisation des formes, et on va retrouver une diversité de formes, formes globuleuses, formes en quartier, formes imbriquées, et puis des petites roses, des petites fleurs, différentes tailles. Et actuellement, beaucoup de roses ont des formes de roses anciennes. Et une des grandes critiques, c'était l'absence du parfum. Je suis issue d'une famille, quand même, sans m'en rendre compte, de façon complètement inconsciente, de gens qui étaient épris de jardin, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. Mon père cultivait des roses dans son jardin. Je voyais, il se mettait à quatre pattes dans les massifs. Je voyais qu'il faisait ça le dimanche, que ça lui faisait du bien. Ça, je m'en rendais compte. Et en fait, dans ma famille, il y a deux jardins qui sont encore prestigieux. Le bois des Moutiers à Varangeville, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'est le Précurieux. Ce jardin, je le connaissais quand j'étais enfant. Il y avait une roseraie. Et j'ai adoré ce jardin. Cupidon, je ne vous l'ai pas dit aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, Cupidon? Il a inventé l'épine. Un jour, qu'il avait mis le nez dans une rose, un peu trop près, et une abeille lui a piqué le nez. Et pour se venger, il a pris son arc, sa flèche, et il a tiré l'abeille. Il a loupé son but, et la flèche a traversé la tige de la rose. C'est ainsi qu'est née la première épine. Oh. côté, on a Celsiana. Celsiana a été mentionnée en 1750. C'est assez incroyable. Ce qui est extraordinaire dans les roses anciennes, c'est que c'est un patrimoine vivant. Il y a eu des personnes pour les reproduire, pour les conserver pendant autant d'années. C'est quand même exceptionnel, quoi. Quand on voit que maintenant on a des musées, alors que tout ça c'est du plein air. Donc c'est quand même très important de continuer de participer à cette conservation. Belle de Crécy, duchesse d'Angoulême, orpheline de Juillet, dans le sourire de la rose, il n'y a ni signe de pacte, ni de fidélité. J'ai mis, Rossignol amant, il y a lieu de crier au secours. C'est vrai que ma collection est très fragile. Parce que... une collection doit être gérée en tant que collection. C'est-à-dire à chaque fois que vous perdez une variété, vous êtes contrarié, quoi. Vous êtes contrarié, et puis à juste titre. Parce que si vous perdez cette variété que vous avez eu du mal à avoir, c'est que d'autres personnes vont avoir encore plus de mal à la retrouver. Et c'est vrai que là, j'arrive dans ma vie personnelle à un moment de ma vie où j'ai plus la force d'entretenir une collection de près de 1000 variétés de roses entre les deux roseraies, la roseraie de Berti et la roseraie des pommiers. C'est à peu près 1000 variétés. Antonia Dormois, Bacchante, Ville de Londres, Pergolèse, Velours Pourpre. J'ai en tête cette collection, tous les noms me parlent. La rose de marbre, la rose de verre, la rose de charbon, la rose de papier buvard, la rose de nuage, la rose de bois, la rose de fer refleuriront toujours. Qui es-tu ? Où est passé le parfum des roses ? De la fleur d'églantier à la rose pompadour. Histoire d'une passion. You look to me like misty roses. Avec Éléonore Cruz, Valérie Chansigo, Blandine Vette, Jacques Ronchon. Documentation. Linda Simon, Amélie Briand le Jeune, Anne-Lise Signoret, Romain Couturier. Lecture, Sarah Chaumette, Claire Poinsignon, Santiago Bordil, Jean-Louis Trintignant. Équipe de réalisation, Marie Le Peintre, Claude Nior, Anne Pérez. Ce documentaire a été soutenu par la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM. Remerciements à Léa Galanopoulou, à Dominique Perrard, à Karim Meliani et aux équipes du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Une série proposée par Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Bello. You look to me like love forever. Too good to last. But too lovely not to try. If I believe in love forever, I'd forget the past. You're too lovely not to try.